pornophonic attitude. J'ai écrissé dans le trou, pis d'une shot est venu. Deuxième partie de chanson de cul, nommez les yeux croches. Les chums ont aimé ça, j'ai eu quelques approches. Deuxième track, pas de classe dans sexe, faut que ça rush. Comme dans la première, faut que les derrières se remuent. Jusqu'à en arrière-prière, c'est le nom sexy, veuillez sortir. Je vais amortir un autre texte, surgit à l'horreur, position complexe. Au bon sens, ça peut ne devenir en duplex. J'aime ça quand que ça grouille, entre tes deux jambes ça mouille. Les belles petites filles en jupe, j'aime bien leur faire des fouilles. Quand qui coulent dans leur décolleté, juste le bord des cuisses, tu as récolté. Mes mignonnes, sois pas révoltées. Rams et moi, on va t'en donner. Sois pas moche, je te dirai. Celles qui se respectent, on va les suivre. Les autres, on va les fournir pour les rendre ivres. Ta chasse, c'est pas du cuivre, mais de la vraie art. Alors, Rams, prends-en soin, sinon dehors de la partie de confort. Tantôt, on visitera ce château fort. Cette forteresse, mais pour l'instant, tu me permets que je dise une dernière fois avec un politesse. Calisse que j'adore les belles paires de fesses. Le beau savoir avaler, faut mieux que tu saches essuyer. Avoir ta petite gueule, c'est sûr, ça va déborder. Le beau savoir avaler, faut mieux que tu saches essuyer. Trop d'empoche à voir tes yeux croches. Le bon savoir avaler, faut mieux que tu saches essuyer. Avoir ta petite gueule, c'est sûr ça va déborder. Le bon savoir avaler, faut mieux que tu saches essuyer. Je t'aimais trop d'empoche à voir tes yeux croches. Tabarnak, je sais que je suis Mac. Je prends mes contacts, je mate. Toutes les gueules qui ont de l'impact, ceux qui savent me satisfaire. Toutes les sens et à quatre pattes, ça va faire l'affaire. Pourvu que tu ne saches ta taille quand je te couche par terre. Débarque chez Isaac, soir de pêche. Aucune idée qui disait aïe. La chance de me laisser aller, rien de protège. Je servais, je m'installe sur une chaise, laisse dans une pour m'exciter. Ça marche dans mes boxes, mon pénis est en train d'hériter. Il va sûrement hériter d'une belle chatte. Dans son string, c'est humide, elle sécrète un petit liquide. Supprime son jeans, graisse devant ma cuisse. Je vais dire Rams, elle est pas timide. Elle enlève mes peines, c'est déjà ma queue s'élève. Elle pose ses lèvres, marque sur ma bite, rouge à lèvres rouge. Move de voix et viens, moi je vais dire ça bouge. Dans sa bouche, c'est louche, inquiète-toi pas, je la couche. Sur ses grosses femmes, ça la stimule, jamais elle se la ferme. Asti, hey Rams, scratch un peu mon gars, pis je continue après. Le beau savoir avaler, faut mieux que tu saches essuyer. Avoir ta petite gueule, c'est sûr ça va déborder. Le beau savoir avaler, faut mieux que tu saches essuyer. Je t'aimais trop d'empoche à voir tes yeux croches. Le beau savoir avaler, faut mieux que tu saches essuyer. Avoir ta petite gueule, c'est sûr ça va déborder. Le beau savoir avaler, faut mieux que tu saches essuyer. Je t'aimais trop d'empoche à voir tes yeux croches. Ok, v'là la suite. Excité comme 10, à Chris ma queue. En c'est des cuisses, la place au cas de barre de lèvres qui plissent. Ça glisse 100 fois plus qu'avec du lubrifiant. Pas besoin d'être méfiant, notre plaisir vient de saisir notre méfiance sans hésitation. Je la pogne en doggy style position. 5-6 minutes à faire une autre proposition. Anal pénétration, yeah. J'accepte, enfile mon bat à l'intérieur. Dis-toi que son postérieur est aussi slack que sa plotte. Elle aime sur un Jimmy, elle me dit de continuer. Elle fallait petite génie, je l'écartie encore plus. Elle se saute mon énergie, épuisé mon gars, je la crisse. Là, en dirait une vieille éponge, j'ai trempé. C'est le temps de décramper, moi je suis bien crampé. Plus capable, je suis en train de ramper. Hey Rams, viens prendre la relève. Hey voyons ML, prends la relève avec elle. T'es reviré sur le top, enlève ta vieille vaisselle blonde. Allez m'en chercher une propre, on dit que j't'un porc. Blake, break, abrodoc, t'auras porn stars. Content pas d'un estimate qui s'allonge. Silicone, salon de bronzage, rallonge. Odeur de snatch, nachos, plein de vieux chism qui arrange. Renvoyer des barasses, ça gouine de l'or du las. Dis donc à ton père de nous en envoyer une sortie de l'usine à place. We don't. Welcome no dicks, no facts. Just chicks with tits and shiny clits burning the rainbow flag. Silence sur le plateau, la langue sur le clito. Deux, trois doigts dans petite craque. 4 heures de film dans Kodak, on part. Char, ma couverte en léopard. Éteignez vos clopes. Les lumières sont tamisées de 1 à 10. Écartez vos plots. 11, 12, 13, 14, 15. Je vous baise dans prochaine scène. Kobe Time a usiné la poche en sauvage. Quand ils m'ont vu les yeux, ils ont rajouté du DJ Crush au montage. Meilleur soundtrack pour un film d'exploration de crack. De brunette, infirmière à lunettes. Mon pouce s'est pris dans tes bobettes. Dans ta petite soie dentaire qui cachait ta clorette. Surtout faut pas que tu dises à Rams. Arrête, arrête, oh non, arrête, oh. t'as beau savoir avaler, vaut mieux que tu saches essuyer. Avoir ta petite gueule, c'est sûr ça va déborder. T'as beau savoir avaler, vaut mieux que tu saches essuyer. Je t'avais trop d'empoche à voir tes yeux crush. T'as beau savoir avaler, vaut mieux que tu saches essuyer. Avoir ta petite gueule, c'est sûr ça va déborder. T'as beau savoir avaler, vaut mieux que tu saches essuyer. Je t'avais trop d'empoche à voir tes yeux crush. I'm